Le rassemblement au niveau central consacré au 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 7 courant à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les membres des organes directeurs centraux du parti dans la ville de Pyongyang, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les fonctionnaires et les novateurs de travail des établissements, des usines et des entreprises de la ville de Pyongyang, les compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, et le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé un rapport qui dit notamment « La promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, selon la volonté et le vœu unanime de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple, était un événement politique d'une portée importante dans le développement de notre parti et l'accomplissement de la cause révolutionnaire Chuche. Ces exploits immortels accomplis pour la direction du Parti du Travail de Corée pendant de longues années brillent comme le drapeau militant pour le progrès victorieux et l'achèvement de la révolution. Avec ses exploits immortels, le général restera toujours vivant comme leader éternel de notre parti et soleil du Chuche. L'œuvre de l'édification du parti original conduite par le général Kim Jong-il continue aujourd'hui grâce au maréchal Kim Jong-un. Finalement, il a appelé tous à porter plus haut le drapeau rouge du parti empreint de toute la vie sacrée du général Kim Jong-il et à militer vigoureusement pour la victoire finale de la cause révolutionnaire Chuche.